23-32, exercice test. Optimisme, pessimisme. Déterminez si les énoncés que vous allez entendre sont dits par un optimiste ou par un pessimiste. Cochez la case appropriée. 1. Je ne serai pas tranquille. 2. Ça ne fera pas un pli. 3. Tout ça finira mal. 4. Moi, je ne m'en fais pas. 5. Je suis très inquiet. 6. Je ne m'inquiète jamais. 7. Tout s'arrangera. 8. Je m'en fais beaucoup.